بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس السادس عشر بعد المئة. 116 leçon. Toujours en كتاب الفيق dans les احكام de la salat. قال في السؤال العاشر بعد 900 910 question. ما هي السنة في المشي بالجنازة؟ Quelle est la sunna lorsque l'on marche avec une janaza, ce qu'on appelle un cortège funéraire, lorsque l'on transporte nos morts vers le maqbara, vers le cimetière. قال الإسلاع بها. On marche vite. On marche vite. Et le dalil sur le hadith de Abu Huraira radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala asli'u bil janaza fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha fa in takun sawa dhalika fa sharrun tad'unahu ala riqabikum. Muttafaqun alayh. Qu'il a dit an-nabi sallam, faites vite, transportez vite la janaza, car si jamais c'est une bonne personne qui est morte, c'est-à-dire une personne pieuse, vous l'amenez vers un bien plus rapidement, et si jamais c'est une mauvaise personne qui est morte, vous portez un mal sur vos épaules, donc débarrassez-vous-en vite. C'est ça le sens, en fait. Contrairement aux chrétiens et aux juifs qui, eux, marchent tout lentement, d'accord, derrière leur corbillard. Les musulmans, ils vont vite. Ils transportent la janaza là-bas sur leurs épaules eux-mêmes et marchent jusqu'au maqbara. Si ça, ce n'est pas trop loin. Après, si c'est une voiture, c'est permis s'il y a un besoin. ثم قال في السؤال الحادي عشر بعد 900 اذكر كيفية صلاة الجنازة. Cite comment on accomplit la salat de la janaza. Donc déjà, en premier lieu, cette salat-là, la salat, c'est de la faire dans le musalla, à l'extérieur. D'accord ? Devant la tombe. Devant le corps. C'est permis de le faire au masjid, mais au musalla, c'est meilleur. Également, cette salat-là se fait comme les autres salats. Ça veut dire, elle se fait avec des rangs, avec un imam, en direction de la Qibla. En direction de la Qibla. Mais cette salat-là ne contient pas de recours ni de sujoud. D'accord ? Pas de recours, pas de sujoud. Et justement, ça ferme les portes qui pourraient mener au shirk, car à la base, comme vous le savez, prier vers une tombe, cela n'est pas permis. Donc cette salat-là est particulière par rapport à ça. Et le meilleur dans la salat de janaza, c'est de faire trois rangs. Si possible, de faire trois rangs, car c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi. Donc, comment elle se fait ? Arba takbirat. Il y a quatre takbirs à faire. Après le premier takbir, on lit al-Fatiha. Comme dans le hadith de Talha ibn Abdillah, quand les salatu khalfan ibn Abbas à la janazatin fa qara bi fatihat al-kitab fa qala li ya'lamu annaha sunnah. Qu'il a dit qu'il a fait la salat derrière ibn Abbas et qu'il a récité al-Fatiha à voix haute, alors qu'à la base la janaza c'est à voix basse. Mais il a fait cela exprès, pourquoi ? Pour enseigner aux gens qu'ils sachent quelle chose réciter. Et la salat janaza, comme les autres salats, parmi ses piliers, il y a surat al-Fatiha. Après, le deuxième takbir, il y a une divergence pendant le takbir, est-ce qu'on lève les mains ou pas. Il n'y a aucun dalil qui est venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui levait les mains pendant le takbir intérieur dans la salat, mais il fut rapporté que Ibn Omar le faisait et qu'il n'y a aucun sahaba qui ne l'ait contredit en cela, ou qui ne reprochait cela. Donc, de relâme, on voit qu'il est permis de lever les mains pendant ce takbir. Donc après, dans la deuxième rakat, on fait la salat sur Ibrahim. C'est ce qu'on a appris déjà auparavant dans les Ahkam al-Salah. Salat Ibrahimiyya. Dans la troisième rakat, on fait une invocation pour le mort. Il y en a plusieurs, d'accord, qu'il faut apprendre. Le plus important, c'est d'invoquer que Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Et après la quatrième, il est permis, s'il y a un temps, de faire encore des invocations pour le mort. Et à la base, après la quatrième, c'est le taslim. D'accord ? On salue. Et après cela, la salat, janaza est terminée. Non. Thumma qala fi as-su'al al-thani 'ashar bi 912e question, ma hiya al-ajr al-murattab 'ala as-salat 'ala janaza. Quelle est la récompense à tirer d'avoir fait cette salat sur la janaza? Man salli 'alayha falahu qirat. Celui qui fait la salat sur la janaza, il a un qirat. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire un qirat? 913e question, ma huwa al-ajr al-murattab 'ala ittiba' al-janaza. Maintenant, c'est quoi la récompense de suivre cette janaza? C'est pas seulement faire la salat, c'est on la suit. C'est également, il dit, man tabi'a falahu qirat. Celui qui la suit également aura un qirat. Et après, dans la 914e question, rabi'a ashar ba'd 900, il dit, kam miqdar hadha al-qirat. Maintenant, c'est quoi la dose de ce qirat? C'est quoi sa mesure? Qu'est-ce que c'est? Quelle quantité? Kullu qirat misl jabal Uhud. Un qirat, ça équivaut à la montagne de Uhud. Donc, celui qui suit la janaza, qui fait la salle de la janaza et qui la suit, il aura droit à l'équivalent de deux montagnes de Uhud en récompense. إذا كان مخلصا فيما يفعل. طبعا كما تقول حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل جبلين العظيمين. Donc Abu Huraira, il a dit, que le professeur Salam, il a dit, celui qui suit, c'est-à-dire qui fait la salat plutôt sur la janaza, qui reste avec elle jusqu'à ce que la salat soit accomplie, il aura droit à un qirat. Et celui qui participe à ce cortège funéraire jusqu'à ce qu'il soit enterré, c'est pas possible, il est enterré, il a deux qirat. Et il faut questionner, c'est quoi, quels sont ces deux qirat? Il a dit, comme deux grandes montagnes. Comme deux grandes montagnes, hadith de Muttafaqun Ali. Et on précise que cette salat janaza, c'est un fard qui faillit. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation individuelle. C'est-à-dire celui qui ne la fait pas, celui-là ne l'est pas reproché si d'autres personnes s'en occupent, s'en chargent. ثم قال في السؤال الخامس عشر بعد التسعمية: ماذا يقال عند وضع الميت في القبر؟ Qu'est-ce que l'on dit lorsqu'on pose le mort dans la tombe? Dans le hadith de Ibn Omar, رضي الله عنهما, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'il est dit, صلى الله عليه وسلم, si vous posez vos morts dans la tombe, alors dites بسم الله. طيب على ملة رسول الله, c'est-à-dire sur la religion du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى ملة رسول الله. Et le hadith est rapporté par Ahmed, authentifié par Al-Albani, رحمه الله تعالى. ثم قال في سؤال السادس عشر بعد 900 question: ما هي السنة بعد دفن الميت؟ من سكول السنة فيها après que le mort est enterré. أن يقول اللهم اغفر له وثبته. Le fait de dire: oh Allah, pardonne-lui et raffermis-le. C'est-à-dire qu'à là, à ce moment-là, comme ça veut dire dans le hadith, il est interrogé par les deux anges. Comme dans le hadith d'Ibn Othman ibn Affan, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. Qu'il a dit le Nabi sallam que lorsqu'il finissait d'enterrer un mort, il disait: demandez pardon pour votre frère et demandez qu'il soit raffermi, car actuellement il se fait interroger. C'est-à-dire les deux anges qui viennent, qui l'interrogent, ce qu'on appelle Fitnat al-Qabr, maintenant il est éprouvé à ce moment-là. Et c'est un moment qui est terrible. Et beaucoup, quand on fait des janazans, on est dans la rafle, on ne fait pas attention à cela. Ce n'est pas un moment qui est fait pour rigoler, pour discuter, ou ce genre de choses. C'est un moment qui est fait pour se concentrer, pour se rappeler la mort. Et que ce qui arrive à cette personne-là pour qui on fait la salat, demain, ou peut-être même le soir, ça peut être nous. Et quoi qu'il en soit, ça va être notre tour un jour ou un autre, inévitable. Chaque âme goûtera la mort. Donc lorsque chacun fait la janaza de quelqu'un, ils se disent: mon tour va venir également. Je serai posé dans ma tombe, les gens seront autour de moi peut-être. Si on parle de façon générale, parce que des fois, c'est vu que les gens peuvent mourir, on ne retrouve pas leur corps, ou rien d'allé quand même, on parle dans la base. D'accord? Et qu'on aimerait que les gens fassent des doigts pour nous, car le moment où on a le plus besoin de doigts, c'est dans ce moment-là. C'est-à-dire que le mort a plus besoin de doigts pour lui-même que le vivant à ce moment-là. Car c'est là que ça commence. Après la mort, c'est là que tout commence, la réalité, tout ce qu'on a en revêt. Comme quand il y a fait hadith Ibn Abbas, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yadba'u al-mayyit thalatha, ou yalji'i thnain yabqa wahid, yadba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu, ou yalji'i ahluhu wa maluhu yabqa wa amaluhu. Qu'il a dit, le mort, trois choses le suivent lorsqu'il va se faire enterrer. Ses biens, sa famille et ses œuvres. Et deux choses repartent, une chose reste avec lui. Quelle est-elle? Son argent repart. Sa famille repart, seul reste avec lui ses œuvres. Donc comme on dit, la dunya, yadar al-amel ou al-jaza. La dunya, c'est elle est là en place pour qu'on puisse œuvrer justement. C'est l'occasion pour qu'on puisse œuvrer, pour préparer ce moment-là. Et la akhira, c'est dar al-jaza ou al-amel. C'est après la mort, c'est le moment où on sera rétribué, il n'y a plus d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de récompense à tirer ou quoi que ce soit. C'est on récoltera ce qu'on aura semé en cette dunya. Celui qui méritera le châtiment d'Allah Azzawajal, il sera châtié. Et celui à qui Allah voudra faire miséricorde, il fera miséricorde. Et quoi qu'il en soit, tout ce qui nous arrivera, c'est par sa rahma. D'accord? Que c'est par rahma. Car en réalité, tout ce qui nous accorde après la mort, on ne le mérite pas. pour la courte vie qu'on aura fait sur ce bas monde. On ne le mérite pas. Tout ce qu'il nous accordera, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Naam, Abiyad al-Qadnaftafi, wa al-Qadnaftafi.